Marie Rétan, votre émission littéraire présentée par Mona. Bonjour à tous. J'ai aujourd'hui le plaisir d'accueillir Christine Girard qui vient nous parler de son recueil de chroniques Qui sème ses dents récolte le salpêtre, publié en auto-édition. Bonjour Christine. Bonjour Mona. Alors vous pouvez vous présenter, nous parler un petit peu de vous ? Eh bien, j'ai décidé d'écrire finalement assez récemment. J'écris donc à la demande et puis aussi pour le plaisir. Et c'est ce petit plaisir qui me fait, qui résulte de ce bouquin, qui est un florilège des chroniques que je fais de façon hebdomadaire sur un blog. D'accord. Alors, vous pouvez nous expliquer le titre de votre ouvrage, Qui sème ses dents récolte le salpêtre ? Alors, c'est évidemment pas un manuel de dentisterie, mais c'est une homophonie approximative, d'après le proverbe qui sème le vent récolte la tempête. Et, ce qui est un peu détaillé dans ce billet-là, qui est fait uniquement de proverbes en homophonie approximative, puisque mon jeu préféré est de jouer avec les mots. Oui, ben ça, j'imagine bien. Alors, parlez-nous de votre recueil. J'ai compté, il y a 53 chroniques. Alors, c'est une petite sélection que j'ai faite, d'après celle qui me plaisait le plus, sur la centaine qui est parue maintenant. D'accord. Et comment vous écrivez comme ça ? Ce sont des textes courts que l'on peut piocher un petit peu comme une gourmandise, je dirais. Alors, c'est l'actualité qui vous fait réagir ? Vous réagissez à chaud ? Alors, pas tellement, non, justement. J'évite de réagir à l'actualité. Sauf quelques-unes cette année parce que tout ce qui rôdait autour de l'élection présidentielle m'offrait sur un plateau quelques petites gourmandises, justement. Donc j'en ai profité, mais c'est pas du tout habituel. Au contraire, j'essaye de traiter des choses qui sont dans la durée, enfin qui peuvent être lues n'importe quand et sans forcément de référence. Oui. Comme le vocabulaire, les expressions. Bon, quelquefois, ça se rattache un petit peu, par exemple, réforme d'orthographe, etc. C'est des choses dont on parle, donc ça me donne une idée de départ, mais je ne traite pas vraiment l'actualité. D'accord. Donc vous écrivez une chronique par semaine, c'est ça ? C'est ça, oui. Ça vous prend beaucoup de temps ? Ça peut prendre beaucoup de temps. Quelquefois, ça coule de source, mais souvent, ça demande quand même un petit peu de recherche, un petit peu de réflexion. Si je décide de traiter à fond d'une expression ou d'un mot, à partir d'un mot, je ne sais pas, toutes les expressions autour du pied, par exemple, donc j'essaye de recenser un maximum de choses et j'en fais une sorte de logorallye, c'est-à-dire que je fais ma liste de mots et que je construis une histoire ou un texte à partir de ça. D'accord. Et vous les remaniez après, non ? Une fois qu'elles sont écrites, vous n'y retouchez plus ? Une fois que c'est écrit, j'y touche plus. J'y passe en général suffisamment de temps, je la relis et re-relis avant de la publier. Et voilà, c'est tout. Une fois que c'est fait, c'est parti. Oui. Alors, vous tenez aussi un blog sur lequel vous postez vos chroniques. Voilà. Alors, pourquoi passer à l'édition papier ? Eh bien, parce que c'est difficile de revenir, à partir du blog, c'est difficile de revenir aux chroniques un petit peu anciennes. Et puis, certaines personnes avait pris goût et puis découvre en cours de route que ce blog existe et donc n'ont pas vraiment accès aux chroniques plus anciennes. Donc voilà, ça permet de refaire un petit tour de ce qui me semble être le mieux, le plus Alors, réussi. Manifestement, vous aimez jouer avec les mots. Oui. Alors d'où vous vient cette aptitude ? Je ne sais pas si c'est une aptitude, c'est... Vraiment, d'où ça vient, je ne pourrais pas le dire. C'est un goût que j'ai depuis toujours. J'aime bien les mots, les expressions. J'ai toujours aimé lire, évidemment. Oui. Voilà. Donc, je ne sais pas, il y avait un instit ou un professeur qui vous a encouragé à faire ce genre de choses ? Pas du tout. Pas du tout ? Non. D'où ça me vient ? Peut-être la découverte de choses comme l'Oulipo, comme... certains auteurs comme ça qui ont vraiment joué avec les mots, Queneau, Pérec. En fait, j'ai découvert ça dans des livres, je crois. Dans des livres, des recueils qui expliquent ce... Cette façon de faire, un peu, oui. Oui. Ça a été un petit peu une découverte. Voilà, donc... à partir de là, j'ai organisé quelquefois avec des amis, participé à des petits jeux comme ça, les petits papiers, des jeux sur des textes. Et puis, j'ai finalement décidé de m'amuser à ça toute seule. Ouais. À partir du moment où j'ai décidé de devenir écrivain, entre guillemets, où j'ai décidé qu'écrire allait devenir ma principale occupation, j'ai aussi... décider de faire ces petits textes hebdomadaires pour le plaisir. D'accord. Alors, vous consacrez combien de temps par semaine à l'écriture ? Bah, toute ma semaine, mais sous différentes formes, parce que j'écris aussi pour les gens qui veulent raconter leur vie, pour faire des biographies personnelles. Donc, j'ai différentes... casquettes ? Oui, toujours en rapport avec l'écriture. D'accord. Donc la forme la plus personnelle, c'est ça, c'est le blog et qui sème ses dents. D'accord. Alors nous revenons après Kump Ripou par Castafiore Bazooka. Il est vraiment chelou ce Kump Ripou qui vient les ronds autour de moi. Fais-je ce Kump. Il est vraiment chelou ce Kump Ripou qui vient les ronds autour de moi. Alors, nous sommes toujours avec Christine Girard. Pardon, excusez-moi. Alors, vous êtes une militante de la langue française. Il y a plusieurs écrits sur ce thème. Parlez-nous de votre amour pour l'imparfait du subjonctif. Ah, l'imparfait du subjonctif. C'est à la fois, c'est drôle. C'est des sonorités qui sonnent excusez-moi à mes oreilles. Et puis, c'est quelque chose qui s'oublie, enfin qui se perd. Je ne suis même pas sûre que ce soit encore enseigné à l'école. Et je trouve que c'est dommage parce que c'est un temps à la fois raffiné, précis. Oui, un peu suranné, mais charmant. Ah, bah, complètement suranné, mais j'adore tout ce qui est suranné, surtout dans la langue. Oui, en fait, j'aime bien tirer de l'oubli des choses, des mots, des expressions. Donc voilà comment je suis arrivée au corrupsis, parce que j'ai découvert à l'occasion de ce billet, de cette chronique, qu'il existait un comité, alors il faut que je retrouve comment ça se déplie, le comité pour la réhabilitation et l'usage du passé simple et de l'imparfait du subjonctif, qui a été initié par par un homme ou un groupe d'amis dans le sud-ouest qui avait décidé de faire la promotion de ce temps. Et en fait, j'ai communiqué avec lui et voilà, il m'a encouragée dans cette voie. Donc j'essaye d'employer le plus souvent possible l'imparfait du subjonctif. Oui. Mais je trouve qu'à l'écriture, c'est un peu plus difficile qu'à l'oral, je trouve. C'est plus difficile à les lire. Enfin, je ne sais pas, je les trouve un peu... Ça fait un peu apprêté quand... Ah, ça fait apprêté. Bah, oui. À l'oral aussi, je crois. Ça dépend. Ça dépend de la personne qui l'utilise, en fait. Oui. Et puis, bon, en général, enfin, on ne l'utilise plus que sur un mode un peu ironique. Oui. Sauf quelqu'un, un homme politique, bon, que je n'aime pas beaucoup, mais alors j'adore la façon dont il s'exprime, par exemple, parce que ça lui vient naturellement, en fait, c'est ça. Oui, il y a quelques personnes, effectivement, de grande culture, probablement, utilisent l'imparfait du subjonctif. Mais c'est vrai qu'à l'oral, c'est tout de même un petit peu affecté. Oui, c'est sûr. Alors, vous n'aimez pas non plus les mots raccourcis? Ah, j'ai horreur de ça. Un ordi, je sais pas. Un écolo, un bobo. Oui, encore ça, écolo, bobo, c'est plutôt... c'est pas vraiment raccourci, c'est plus... enfin oui, c'est diminué, mais c'est un diminutif un peu presque amical. Mais le raccourci vraiment brut, une app, un mag, etc., ça, ça m'agace. Et puis c'est utilisé de plus en plus avec les SMS, etc. Absolument. Mais pas seulement, parce que ça devient vraiment une mode. Et plus personne ne dit un magazine, enfin à la radio ou même ou dans les magazines, on dit un mag. Et je vois pas très bien l'utilité. Oui, c'est vrai. Le mot existe complètement, donc effectivement, autant le... Alors, vous aimez tellement cette langue que vous aimez même votre fictionnaire personnel. Oui. Alors, vous pouvez nous donner votre définition des trois mots que j'ai sélectionnés. Alors, il y a banlieue. Alors, une banlieue est un lieu ou un quartier dont les habitants se retrouvent au banc de la société. Et j'ai trouvé que ça se prêtait particulièrement bien au jeu de mots. Oui, c'est sûr. Cafardeux, j'aime beaucoup Cafardeux. Ah oui, j'aime beaucoup aussi. C'est un couple qui arrive à la fin d'une déprimante histoire d'amour. Et le troisième, j'ai choisi Parlement. Alors, le Parlement est une école de théâtre spécialisée dans la diction, l'éloquence et l'élaboration de scénarios trompeurs. Alors, la chronique intitulée « Manif contre X » est très drôle. Alors, Chou, Hibou, Caillou protestent contre l'iniquité de leur pluriel. Alors, je vous cite quelques-uns de leurs slogans. « Halte au pluriel sous X, non à l'injustice, stop aux exceptions, les mêmes règles pour tous ». Alors, n'est-ce pas également une satire? On s'insurge un peu pour tout et n'importe quoi, maintenant? Bien sûr que c'est une satire, oui. C'est toujours un peu prétexte. En fait, j'aime bien trouver le moyen de faire une critique un peu assez bienveillante, hein, en général, tout de même. Mais une petite critique de la société au travers de jeux de mots, d'expressions. Oui. Oh, des fois, c'est un petit peu... Vous avez des fois un peu la tendure, quand même. Ah, vous trouvez ? Quelquefois. C'est possible. C'est possible. Il arrive que je m'énerve un petit peu. Alors, vous critiquez aussi les réseaux sociaux, notamment la propension des femmes à poster des photos les mettant en scène. Vous pouvez nous en parler ? Oui. Alors, les réseaux sociaux, je les critique, mais je m'en sers. Hein. Donc, la critique est quand même modérée. Mais c'est vrai que... Oui, je comprends mal la façon dont certaines femmes ont de se mettre en scène d'une façon, comment dire, un peu trop sexy, un peu, enfin, très exposée et qui ne me paraît pas aller dans le sens de leurs intérêts. Oui, et pourtant vous êtes une féministe convaincue. Bah, féministe, ça ne veut pas dire qu'on se présente à poil sur les réseaux sociaux. On est d'accord. Oui, oui, non, mais parce que j'imagine déjà quelques réactions, c'est pour ça que je c'est peut-être un peu ce côté un petit peu féministe, oui, qui me fait réagir à une façon de montrer les femmes, et consentie en plus, c'est ça que je ne comprends oui, pas très bien. Oui. Ça les réduit quand même, juste à leur physique. Bah, c'est ça. Ouais. Je trouve ça un petit peu désolant, on a quand même autre chose à dire que de montrer son décolleté. Mais bon, il n'y a pas que les femmes. J'ai adoré votre chronique intitulée MLH. Racontez-nous. Oui, bah, c'est le mouvement de libération de l'homme qui est le pauvre pressurée, accablée de responsabilités. Extérieure en général. Voilà. Et donc, qui aimerait être un petit peu soulagée parfois. Voilà. Le héros est un peu fatigué, c'est ça ? Voilà, c'est ça, le repos du guerrier. Oui, j'imagine bien. Alors, vous ne pratiquez manifestement pas la langue de bois, même si c'est fait avec humour. Alors, vous dites à un moment donné que l'écriture est un exercice dangereux. Vous ne vous faites pas insulter lorsque vous postez vos chroniques ? Non, c'est vraiment... Je crois que ça n'est jamais arrivé. Ou peut-être une fois, mais... Oui, une fois j'ai eu une critique désagréable, mais je crois que la personne avait pris au premier degré ce que j'avais écrit, ce qui n'est pas vraiment le but. Oui. Et vous avez beaucoup de retours ? J'ai des fidèles, des gens qui réagissent presque à chaque fois, ce qui est quand même plutôt agréable. Et de temps en temps, un inconnu qui m'envoie des fleurs. C'est bien. Alors, vous reprenez aussi les héros des contes de notre enfance et vous imaginez la suite de leur histoire. Alors, c'est amusant et en même temps un peu cruel. Pourquoi ce besoin ? Parce qu'on ne peut pas être gentil tout le temps. Et puis les contes, je sais pas, j'ai un petit peu une dent contre les contes. J'aime pas tellement ça. Ce truc qui nous fait voir la vie en rose. Oui. Alors que la vie n'est pas que rose. Il y a... Alors bon, je sais bien, c'est destiné aux enfants. Et puis on en fait des exégèses sur lesquelles je suis parfois un petit peu sceptique. Oui. Alors voilà, c'est pour ça que j'ai eu envie de remettre un petit peu de réalisme dans le conte. Oui. Puis moi, je trouve que ça présente les femmes, bon, elles attendent le prince charmant, c'est quand même... Voilà, oui. C'est ça aussi. Au XXIe siècle, c'était un peu... Et elles furent heureuses et eurent beaucoup d'enfants. Oui, on ne sait pas pendant combien de temps. Enfin, l'histoire de Cendrillon, moi j'ai adoré. Je vous le conseille. Alors, vous écrivez aussi, je vous cite... Un texte n'appartient pas à celui qui l'écrit, mais à celui qui le lit et crée à partir de cette matière vivante et élastique un objet personnel. Alors c'est la raison pour laquelle vous vous permettez de transcrire Marcel Proust en argot ? Ah oui, oui, oui. Je suis désolée pour Marcel Proust, mais bon, en fait, lui, je pense que c'est pas du tout insultant. Ah non ? Au contraire, enfin bon, il n'a pas besoin de publicité, mais c'est une telle référence que je trouve... C'est un peu comme la Joconde à qui on met des moustaches, en fait. on s'empare de symboles comme ça, de la culture, de... Et on se l'approprie et on le... On le rend, comment dire, plus accessible d'une certaine façon. Mm-hmm. Alors, pour le plaisir, vous voulez bien nous lire la chronique qui s'intitule « Jour des rois » ? Bien sûr. En l'an zéro après lui-même, trois chefs d'État se déplaçaient pour rendre hommage à un fils de migrant à qui une femme SDF venait de donner naissance dans des conditions de grande précarité. C'est une pratique qui semble s'être perdue. Il est intéressant de remarquer qu'en revanche, à la même période de l'année, certaines pratiques des Saturnales ont perduré. En effet, le cycle de Noël, qui est avant toute autre célébration la nuit du solstice d'hiver, c'est-à-dire le moment à partir duquel les jours rallongent, autrement dit la renaissance de la lumière, origine de toute chose, prend fin 12 jours après, c'est-à-dire le 6 janvier, jour de l'épiphanie, où, dit-on, le rallongement des journées devient sensible. Tout ça pour dire qu'entre le 22 décembre et le 6 janvier se déroulaient sous la Rome antique les fameuses Saturnales durant lesquelles on fabriquait et offrait à tous, y compris les esclaves, des galettes rondes et dorées qui rappelaient la forme et l'éclat du soleil, dans lesquelles on glissait une figurine qui conférait au récipiendaire le titre de roi, mais juste pour une journée, parce que quand même, faut pas déconner. Ça vous rappelle quelque chose ? Les boulangeries regorgent justement, au cours d'une période de plus en plus élastique, de délicieuses galettes garnies de fèves plus créatives les unes que les autres. Si on voulait tirer de tout cela une conclusion rapide et simpliste, on pourrait dire que dans les 2000 dernières années, nous ne nous sommes jamais lassés de convoiter les carottes qui nous sont tendues. On pourrait dire aussi qu'en 2000 ans d'inlassables exhortations du nouveau-né et de ses disciples, aucun progrès notoire n'a été accompli dans le concept de fraternité. Comme quoi, la frivolité a plus de succès que l'humanisme. Alors souvent, vos chroniques se terminent par une petite morale, comme ça, un petit peu. Eh bien, c'est-à-dire qu'on attend la chute, en général, dans un petit texte. Donc, oui, je ne cherche pas du tout à faire la morale. C'est vraiment, vraiment, c'est pas ça. Peut-être une prise de conscience que je m'inflige à moi-même aussi, hein, parce que c'est quand même... Ces petits textes-là sont quand même beaucoup aussi le prétexte à une réflexion personnelle. Oui. Donc je ne m'oublie jamais dans les petits coups de griffe. Alors vous dénoncez avec verve les travers de notre société. Vous êtes même un peu iconoclaste. Tout y passe, Dieu, la politique, oui. Vraiment. Vous pensez que l'on peut parler de tout, qu'il n'y a pas de sujet tabou? J'aimerais qu'on puisse parler de tout. Alors bon, ça revient un petit peu, ça se rapproche de la question, peut-on rire de tout? Oui. Et, tout le monde ne peut pas rire de tout, en fait. Je pense qu'il y a un petit peu de pincettes à prendre, ça dépend d'où ça vient, quoi. Et je ne m'attaque pas trop violemment à tout ça. Il y a des sujets que je refuse d'aborder, ou en tout cas pour le moment, parce que je n'ai pas trouvé un biais qui soit à la fois drôle, qui permette un peu de réfléchir, et qui en même temps reste respectueux, parce que je n'ai pas envie de blesser. J'aime bien égratigner un peu, mais je ne suis peut-être pas suffisamment polémiste pour assumer quelque chose de trop violent. Alors, quel est le travers de notre société qui vous horripile le plus? Mais il y en a tellement. Il y en a tellement, mais en même temps, ce sont souvent des petites choses, comme ce que vous citiez tout à l'heure, les raccourcis de mots. Je parle beaucoup plus de ce qui m'agace dans le vocabulaire que dans les façons d'être, ou alors dans les façons d'être envers les femmes. Oui, c'est, mais pas bon, seulement. Ça m'agace passablement. Vous parlez des cons, vous parlez, attendez voir, j'ai noté un peu. Oh, je parle des cons parce qu'on en parle beaucoup. Ouais. Finalement, je ne m'attaque pas aux cons eux-mêmes, mais plus à ceux qui les fustigent, enfin qui les alors définissent qu'on est comme tels. Le con de quelqu'un. On est toujours le con de quelqu'un, c'est ça. Ouais. Mais bon, il y a aussi les mannequins qui font la tête, la pensée unique, le bénéfice du doute. Enfin, vous... Oui. Et quel est le travers de la société pour lequel vous avez le plus d'indulgence? La connerie, peut-être. Puisqu'on est tellement, tous sujets à l'être un jour ou l'autre. Oui. Alors, nous allons faire une deuxième pause. Nous allons écouter Douce Mémoire par le groupe Clément Jeannequin. Oh, Alors, nous sommes toujours avec Christine Girard. Vous avez un autre ouvrage en cours d'écriture ? Oh, probablement le tome 2. Oui. Et vous envisagez d'écrire un roman ou autre ? J'écris un roman. On écrit un roman à quatre mains avec donc trois amis. Oui. C'est un petit exercice. Je ne sais pas ce que ça deviendra, mais c'est un exercice qui est très intéressant parce que ça permet de confronter... différentes idées, différents modes d'écriture, différentes façons d'appréhender le texte, la littérature, pour utiliser un grand mot. Et puis ça oblige en fait à faire œuvre d'imagination, et de réfléchir un petit peu autrement. C'est un exercice qui est complètement différent de ce que je fais là, qui... Là, je n'en fais absolument qu'à ma tête et je suis le fil d'une idée qui m'a accroché à un moment. Alors, dites-nous où on peut trouver votre livre. Alors, on peut trouver mon livre. Comme c'est de l'auto-édition, on ne le trouve pas partout, évidemment. Donc, on le trouve à la librairie Didier, qui est rue Gambetta. On le trouve à la taverne du livre, rue des Ponts ou des Quatre Églises, je ne sais jamais. Quatre Églises. Quatre Églises. Et on le trouve aussi à la librairie Lambert de Neuchâtel. D'accord. Et vous avez d'autres projets autrement ? Des projets, j'en ai des tas. J'ai une longue liste de choses à écrire. Et vous envisagez de rencontrer vos lecteurs à un moment ? Dans un salon ou... Ah, pourquoi pas ? Oui, c'est vrai que ça pourrait être intéressant de les rencontrer. J'attends qu'on me supplie un petit peu alors à ce moment-là. D'accord. Non, parce que c'est pas moi qui vais aller exposer mon travail. J'aime pas tellement en fait exposer mon travail. C'est pour ça que je me réfugie aussi un petit peu derrière mes textes, parce que j'expose, mais je reste un petit peu en retrait, je reste un peu inconnue. Oui, mais moi, je crois que c'est un peu le devenir de tous les écrivains, non, de se montrer, mais en même temps de se protéger. Oui, oui, oui. C'est vrai, j'ai pas encore eu l'occasion tellement de me montrer. Mais pourquoi pas. Et ça vous fait peur ? Non, ça me fait pas peur. Non, mais je suis pas une grande parleuse. C'est aussi pour ça que j'écris, évidemment. Donc, voilà, il faudrait que les gens aient quelque chose à me demander pour que je leur réponde. Parce que sinon, moi, j'ai pas forcément de sujet à aborder comme ça de prime abord. Alors, merci à Christine Girard d'être venue nous parler de son recueil « Qui sème ses dents récolte le salpêtre », publié en auto-édition. Alors, au revoir à tous et à bientôt. Vous m'en lirez tant, votre émission littéraire présentée par Mona.